joyeusement. Oh, ensemble, allez les femmes. Oh, ensemble, la paix des dames. De ramper, tu es pensé dans ce trou imbibé. Tu es l'idée de penser tout quitter pour une idée déjà bien évoquée. Alors violence, chante demoiselle, 16 avril 1910.